Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juz Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullah Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 28. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimouns. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On commence par corriger les quatre questions qui sont pour le texte. Ders 27. يدي أجيب عن الأسئلة الآتية. أولا كم أسبوع غاب عدنان؟ Combien de semaines a été absent عدنان؟ Pendant combien de semaines a-t-il été absent? غاب عدنان أسبوعين. لا ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ نو؟ لا يعني غاب هو في يومين في هذا الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي. نو انظر. إنك جبت المدرس حنان. آه، سي عثمان عفوا أحسنت. نعم، سي عثمان en fait. J'ai confondu. T'as raison. لما كان عدنان غائبا؟ Pourquoi عدنان était-il absent؟ لما كان عدنان غائبا؟ يعني كان عدنان مريضا جدا. أكلمات تبدأ بلينه. يعني pourquoi parce que non لأنه كان لأنه كان نعم مريضا جدا نعم طيب ثالثا كم يوما غاب عثمان في الأسبوعين combien de jours عثمان a-t-il été absent dans les deux semaines c'est là la, en fait la réponse de ce que j'ai dit au début عثمان نعم نعم غاب عثمان في الأسبوعين ثلاثة أيام هذا في الأسبوع الماضي نعم وفي الأسبوع هذا الأسبوع كم غاب يعني يومين واحدا يعني غاب يومين في هذا الأسبوع وثلاثة في الأسبوع الماضي نعم يومين واحد لما لم ينم آدم pourquoi آدم n'a-t-il pas dormi n'a-t-il pas trouvé le sommeil لأنه ما نام البارحة ايوه هذا هو السؤال لماذا لم ينم البارحة؟ لماذا؟ لماذا نعم نعم لأنه يعني لأنه كان به كان به يعني صداع شديد نعم الحمد لله رحمك الله يهديكم الصحة يهديكم الله ويصلحوا بالكم طيب نواصل في الدرس 28 ان شاء الله هي ال سي توجور دون الصرف avec les افعال et là la nouvelle catégorie de verbe qu'on va prendre aujourd'hui c'est le mu'tal al-akhir c'est celui dont le lem c'est-à-dire la dernière lettre C'est حرف العلة هو واو هو يا Ça y est, donc on va voir comment il se conjugue et comment on y attache les dhamma hier. من تريد تقرأ كما تريد كما تريد انا اخيرك تفضل اختار نجيب ده كما دابتشول طيب اخذ ابراهيم وانت تاخذ الباقي طيب إبراهيم يقول ماذا تفعلين يا ابنتي que fais-tu ô ma fille يا بنتي عفوا أكوي الثياب التي غسلناها أمس donc سعاد dit je repasse les vêtements que nous avons lavés hier donc ah ouais on avait déjà dit c'est repassé إبراهيم يقول أكويتي القميص الأبيض as-tu repassé le camis blanc نعم كويته oui je l'ai repassé إبراهيم يقول والقميص الأخضر et le camis vert. لم أكويه بعد سأكويه الآن إن شاء الله. Donc il dit je ne l'ai pas encore repassé. Lama kui bard, comme on a dit lama avec bard, ou ça veut dire pas encore, comme lama. Je le repasserai après, inshallah. Ou maintenant, après, inshallah. Ibrahim yakul. Wal manadilu akawaitiha. Et les mouchoirs ou le savette, les as-tu repassés? Oumi kawatha fis sabah. Il dit ma mère les a repassés ce matin. Ibrahim yakul. Atulidina antakuli li shay'a. Veux-tu me dire quelque chose? نعم إن زميلي سلوى زميلتي نعم زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. Il dit oui. Certes, ma camarade Salwa m'a invité chez elle, dans sa maison, cet après-midi. Da'at, ça vient de da'a qui veut dire invité, quand ça va venir. Enfin, j'espère que tu me permettras d'y aller. D'aller chez elle après salat du Asr. Donc Ibrahim yakoul et zahbi wa rji'i ba'd salat al maghrib. Donc vas-y et reviens après la salat du maghrib. Amina. Ya Aba Muhammad ta'ala huna wanzur inna Muhammadan yajri ala sullam akhsha an yaqa. Donc Amina dit ô père de Muhammad, ya Aba Muhammad, viens ici et regarde. Ta'al, ça vient de ta'ala. Certes, Mohamed court sur l'escalier. J'ai peur ou je crains qu'il ne tombe. Archa, ça va être Khoshia, ça va venir aussi. Ibrahim Yakoul. La tajri ya Mohamedou. Ta'al huna. Ma hadha biyaminik. Arini. Irmi hadha. Hadha turab. Donc Ibrahim il dit, ne cours pas au Mohamed. Viens ici. Qu'est-ce qui est dans ta main, dans ta main droite? Montre-moi. Arini, ça vient de Ara Yuri. Et là, Arini, c'est montre-moi à moi. Irmi Haza, jette ça. Ça vient de Rama Yarmi. Ça va venir. Haza Turab, c'est de la terre. Il y a Troulou Mahmoud. Mahmoud rentre. Fadbal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jitta lioma mutaakhiran ya Mahmoud. Fama sabab. Donc il dit, tu es venu aujourd'hui en retard, ou Mahmoud. Quelle est donc la cause? Shakawtu lioma ahad zumalai ila al-mudir. Donc il dit, je me suis plaint aujourd'hui d'un de mes camarades chez le directeur. Shakautu, c'est de Shaka Yashku. Et il a désiré de nous, il nous a voulu dans son bureau pour l'enquête. Voilà, réaliser ce qui s'est passé quoi. Tahqiq, là on dira, ce serait plutôt une enquête. Ibrahim Yakoul, Lima Shakautahu, Lima Zat, es-tu plaint de lui? لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويتوي أوراقها. أوراقها، نعم، نعم، صح. Car à chaque fois, il prend mes livres et mes cahiers et il plie les feuilles. Ces feuilles, c'est-à-dire les feuilles des cahiers. Tawayatoui, ça va venir, c'est plié. Ou enroulé aussi, ça peut aussi enrouler. Ibrahim Yakoul. Ma hadi al-halawa allati ma'ak. Ahadiyatun hadihi am ishtaraytaha. Donc il dit, quelles sont ces sucreries qui sont avec toi? Est-ce là un cadeau ou les as-tu achetées? Donc il dit, je les ai achetées car je voudrais inviter trois de mes camarades demain à la maison, à notre maison. Ibrahim Yakoul, Udruhum Litanawel Litanawel, enfin, Udruhum Litanawel Ashaï Badradin. فَسَيَكُونُ عَمُّكَ مُوسَى أَيْضًا مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Donc il dit, invite-les afin de prendre le dîner après-demain. Et ton oncle Moussa également sera présent, sera avec nous, إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Voilà, donc comme on a dit, on va apprendre, inshallah, ce qui concerne le الْفِيْرْ الْمُعْتَلْ الْآخِرْ. Celui dont le lème, c'est حَرْفِ عِلَّا, la dernière lettre. Toujours dans le فِيْرْ سُولَاسِ, le verbe à trois lettres. Donc tamarin, on les garde pour le prochain dars, inshallah, les questions. Ça porte au dars. Il dit thaniyan, hadhihi amsilatun al-fi'l al-murtal al-lam. Celui dont le lam est harf al-illa et on appelle également murtal al-akhir. Mathalan, kawa yakwi qui veut dire repasser. Masha yamshi qui veut dire marcher, avancer. Jara yajri, qui veut dire courir. Rama yarmi, qui veut dire jeter, lancer. Baka yabki, qui veut dire pleurer. Et là, comme tu le vois, mardi, il a un alif maksour, qui est la forme d'ayar. Et ce verbe-là, quand il a un alif maksour, au moudalir, ce alif maksour se transforme en quoi? En ya. Car c'est son origine. Il se transforme en ya. Donc tu dis, kawa, et au moudalir, yakoui. Deuxièmement, da'a yad'ou, shaka yashku, tala yatlou. Tala, c'est réciter, lire. Maha yamhou, qui veut dire effacer. Afa yafou, qui veut dire pardonner. Da'a, on a oublié de le dire, c'est invoquer ou aussi inviter ou appeler. Et shaka yashku, c'est se plaindre. Celui-là, tu vois, son lem au mardi, c'est un alif mamdou, droit comme un bâton. Et celui-ci se transforme en waou au bout d'un lien, comme tu l'as pu le voir dans les verbes exposés. Salut, Sandy. Ta'ammal al-amsilata thumma aktub al-mudali'a al-marfu'a wal-mudali'a al-majzum wal-amr min al-afal al-atiya. Donc il dit de méditer ce qui suit et ensuite d'écrire le verbe au présent, marfu', ainsi que le majzum, ainsi que l'impératif des verbes suivants. Donc premièrement, il prend l'exemple de baka, qui veut dire pleurer. Mardi, c'est baka. Le mudali al-marfu', c'est yabki, ayuwa yabki. Son origine, c'est yabkiou. Mais les verbes qui ont un ya à la fin, comme celui-ci, ou un waou, ou un alif, ils ne prennent pas de harakat à la fin. Comment on dit là, la harakat, comment ça s'appelle? Tu te rappelles? Yabki. Il est marfu', alamat rafi'i, c'est quoi? Pas compris. C'est quoi le signe du raf de Yabki? Yabki, il est... Il est marfou, là. Il est marfou, là. Il est la domma, qu'est-ce que tu dis? Aïe, wa muqaddara. Vous voyez, elle est sous-entendue. On peut pas la voir. On prend ça pour tous les verbes. Les verbes, le mortel akhir, celui dont la fin est à hafla'illa, au bout d'un lire, la domma, il n'accepte ni la domma. Vous voyez, il n'accepte pas la domma. Du moins, les lames, tu ne la vois pas. Al-mudali al-majzoum. Lame, Yabki. Donc là, on a rentré l'âme dans Yabki. Et c'est quoi sur Alamat al-Jazm? C'est qu'on enlève le half illa. On l'enlève. À la base, c'est le ya. On enlève le ya. Donc on dit l'âme Yabki. Et non pas l'âme Yabki. C'est ça son signe. Ça, c'est la nouvelle Alamat al-Jazm qu'on prend aujourd'hui. C'est half illa. Le fait d'enlever le harf de illa. Le harf qui est à la fin du verbe mortel et akhir. Et l'âme, tu dis Ibki. Pleure. Et pareillement, lui, comment on fait? On enlève, comme le Moudala Majoum, on enlève le Hafa'illa. On enlève le Lem. Ça y est, on enlève le Lem. Ensuite, Masha. Masha qui veut dire avancer, comme on l'a dit, marcher. Moudalir, Yamshi. Pareillement, l'origine c'est Yamshiou, mais ça ne se dit pas. Donc la Dhamma, elle est Mukaddara, elle est sous-entendue. Mais il est Marfou. Quand il est Majoum, tu dis Lam Yamshi. C'est quoi son signe du jazm? On enlevait le Ya. Ça y est, on enlevait le Ya. Et le Amr, Imshi. Ça y est, mais pareillement d'enlever le ya. Il est même lire. Tu me hommes, même ni. Ça viendra, Inch'Allah, dans notre livre. Kawa, repasser. Moudalir, yakoui. L'origine, c'est yakouio. Al moudalir majoum, tu dis lam yakoui. Talib, lam yakoui. Et le homme, ikoui. Attention, dans le mortel akhir, tu te rappelles de la division qui est entre eux? Mortel akhir, les deux catégories. Celui dont le lem à la fin c'est half illa. Tu as le lafif el makroun et le lafif el mafrouk. Tu t'en rappelles? Non, ça commence là. Ouais. Ça commence là. Donc le lafif el makroun, c'est celui dont le lem et le ayn tous les deux sont half illa. Comme kawa. Regarde kawa, il a un kef, un waw et un ya. Donc le waw au milieu c'est half illa. Et le ya half illa. Donc ça s'appelle quoi? Un lafif makroun. Et l'autre, c'est lafif mafrouk. C'est celui dont le fa et le lem sont des half illa. Vous voyez? Celui dont le waou, le fa, la première lettre, c'est half illa. Et le lem, c'est half illa. À l'exemple de. J'ai pas d'exemple qui vient en tête. Il va en mettre dans le livre. Waqa, masalan, nam, yaqi, qui veut dire protéger. Waqa, yaqi, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est-à-dire dans le khulasa du tableau. Donc Kawa, lui, c'est un quoi? C'est un mot al-akhir qui rentre dans le catégorie du lafif al-makrun, celui dont le ayn et le lem, tous les deux, sont des harf illa. Maintenant, tu fais pareil avec jara, rama, bana, saqa. Tfaddal. جرى يجري لم يجري يجري نعم. رمى يرمي لم يرمي يرمي بنى يبني لم يبني يبني Maintenant, ça veut dire construire, comme on n'a pas dit encore. سقى يسقي لم يسقي يسقي Ça veut dire quoi, ça, quoi? سقى c'est boire non Abreuver. abreuver Non, boire donner à boire. طيب, il dit تُرْزَفُ اللَّمُ الْفِيَلِ الْمُعْتَلِ اللَّمُ فِي الْمُضَالِيَ الْمَجْزُومُ وَفِي الْأَمْرِ. Donc, il dit quoi? Le lem du verbe, c'est-à-dire le hafi'illah, est enlevé lorsqu'il est majoum et lorsqu'il est à l'impératif, lorsqu'il est au amr, comme on a dit au début. طيب رابعا إكرام يلي. Donc maintenant il donne des exemples avec ces verbes. تفضل. بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة. نعم. يعني إبراهيم a bâti la Kaaba. نعم. Et le شايف c'est quoi? بنى يبني. نعم. ثانيا. لماذا تجري يا وليد؟ لماذا؟ pourquoi cours-tu mon petit-fils? Petit enfant. Petit enfant. نعم. اللي شايف تجري. نعم. ثالثا. لا ترمي القمامة في الشارع يا أخي نعم يعني ne jette pas les ordures dans la rue mon frère ايوه الشاهد لا ترمي المجزوم et beaucoup de gens n'appliquent pas cette nasiha malheureusement dans ce pays triste تفضل رابعا اسقني ماء باردا يعني tu peux dire c'est à moi là c'est à moi ouais tu peux dire c'est à moi c'est à moi de l'eau donne-moi froide نعم donc le شاهد c'est اسقني devient de ساقا يسقي c'est fier homme خامسا لا تبني بيتك في هذه القرية يعني ne bâtis pas ta maison dans ce village نعم دونك لا شاهد لا تبني لا إلى مجوم كلا هي دو بنا يبني سادسا لم يأتي المدير اليوم يعني le directeur n'est pas venu aujourd'hui نعم أتى يأتي لا إلى مجوم par لم سابعا لماذا يبكي الطفل يا آمنة pourquoi pleure-t-il l'enfant ou Amina donc le shahid yabki une baka yabki là y a rien il est mal fort avec la doma muqaddara sous-entendu fa Amina ijri ya walad yani cours au enfant le shahid ijri amr de jara yajri ijri ya bint yani cours au fille. Et là on regarde ijri ya bint le ya il est revenu mais ce ya là c'est quoi c'est pas le lème du fial. C'est quoi le ya ici? C'est Damir. Le Mokhatab et le Mouannaf. C'est un Damir. Ils ont oublié deux ah. petits points. Ouais, ils ont oublié de le mettre. Mais on l'a déduit, Inch'Allah. Donc là, le ya, attention, c'est le ya de comme Tafhalina. C'est le même ya. Ashiram. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Non, donc Ihdina, le shahid, c'est Ihdina qui vient de Hada, Yahdi. Ihdina, c'est guide-nous, nous, un verbe à l'impératif. Qui a le sens de Dora ici. Mais c'est pas un ordre. On n'a pas d'ordre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un Dora ici. La tamshi fi shams. Naam. Yani ne marche pas dans le soleil. Donc, shahid la tamshi. Majoum. La inna hiya. Min ma shayam shi. Sani achar. Akiwaiti le kumsa anaya ummi. La. Lam akwiha ba'd. Yani as-tu repassé la chemise à ma mère? Non, je n'ai pas encore repassé. Non. Donc le shahid, akawaiti, de kawayakui. Walam akouiha, majoum avec lem. Non. Salif Achar. Ya Ahmed, ikoui hada al-qamisa. Wala takoui dhalika fa innahu mumazzaq. Ou Ahmed, repasse cette chemise et ne repasse pas celle-ci. Parce qu'elle est déchirée. Non. Et c'est sahih, qamis, c'est pas une chemise. Hein. Eux, dans le kitab 1, ils l'ont mis comme chemise. Un kamis, c'est un vêtement qui va du cou jusqu'au bas, jusqu'en bas. Alors qu'une chemise, ça s'arrête au milieu du corps. La traduction qu'ils ont fait de kamis dans le kitab Awel, elle n'est pas correcte. Donc, beaucoup de frères sont habitués à ça. Une chemise, c'est une chemise. Mais d'ailleurs, ici, ça s'appelle chemise. Donc, Shahid, Ikui, homme de Kawayakui, et l'Atakui, il est majoum par la Nahia. Rabi Achar. Bikim Ishtaraita. هذه الساعة الجميلة يا عبد الله أنا لم أشتريها، إنها هدية من خالي. يعني كمان أشتري سبب جولي مونتر فو عبد الله. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que c'est une. Car c'est une. C'est un cadeau de mon oncle. نعم. De mon oncle maternel. شايد اشتراه يشتري acheté. Et au début, il est quoi? Il est متصل ضمير اشتريته أو اشتريته. Le deuxième, il est مجزوم par لم اشتريها. لم اشتريها, il n'y a pas de dia. نعم. خامس عشر. لا تشتري هذه السيارة يا أحمد فإنها قديمة جدا. لا نشتري pas cette voiture أحمد parce qu'elle est très ancienne. نعم. الشهيد لا تشتري. Ça vient toujours du verbe اشترى, il est majoub par la naïa. Ça dit عشر. قال الله عز وجل في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. الله يجي dans la sourate al-Fil, l'éléphant, dans une traduction relative du sens du verset. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant. Non. Donc là, le shahid, alam tara. Tara, à la base, c'est tara avec un alif maksour, comme Moussa. Et comme il est mortel akhir, il est majoum par alam, ou plutôt lam. Donc là, le majoum, on a enlevé le alif. Tara, Fakula Kala. Taïeb. Donc ça, c'est concernait le Montel Akhir, qui est un Alif Maksou qui devient un Ya ou Moudaria. Maintenant, on prend celui qui est un Alif Mamdoud qui devient Waou ou Moudaria. Et dire, Khamisan, Ta'amel le Misel, ce Maktoub el Moudaria, el Marfou, ou el Moudaria el Majoum, ou el Am, min el Afal Atiya. Le premier, Da'a, qui veut dire, on a dit, invoquer, appeler, inviter, et ainsi de suite. Le Moudaria el Marfou, Yad'ou. Aslou, Yad'ou. Pareillement, l'origine c'est comme une domma comme le marfour, mais le waou, montel akhir, il est comme le ya, il prend pas de haraka. Donc la domma, elle ne s'écrit pas. Mais elle est sous-entendue, elle est muqaddara, comme on dit, elle est muqaddara. Tout ça, il y aura plus de tafsir, inch'Allah, dans nos jurumiya ou d'autres kutub. El mudari al majoum. Parce qu'il est majoum, tu dis, lam yad'ou. Donc là, c'est quoi le signe du jazm? On a enlevé le harf illa, on a enlevé le waou. Et la domma qui est sur le ayn, c'est une preuve, voyez, qui t'indique que la lettre qui a été enlevée, c'est un waou. Sinon, tu ne veux pas savoir. Cette domma-là que tu vois sur le haïn, l'âme biadrou, voyez, c'est une preuve que la lettre enlevée, c'est un waou. Et pareillement, on ne l'avait pas dit dans les autres verbes avec le ya. Par exemple, l'âme yadki, voyez, la domma, la kasra qu'il y a sous le kef, par exemple, pareillement, c'est une preuve qui démontre que la lettre qui a été enlevée, c'est un ya, à l'origine. El om oudrou. Voyez, Oudrou, et comme on l'était fait, on enlevait le waou. Voyez, le lem a été enlevé. Voyez, Bidda, Bishaka, Tfaddal. Shaka, Yashku, Lam Yashku, Ushku, Tala, Yatlu, Lam Yatlu, Utlu. Tala, ça veut dire quoi déjà? Tala, yani, Psalmodié, hein, réciter. Ouais, réciter lire, non. Maha, Yamhu, لم يمحو أمحو إمحا سجى قوة يفسي نعم عفا يعفو لم يعفو أفو طيب كده pardonné حسنت donc maintenant il va donner des exemples avec des phrases مفيدة des jumelles مفيدة avec ces verbes إكرام يلي un peu une odeur bizarre je sais pas je suis un peu enrhumé donc je serais pas معنى مختبر طيب الجملة الأولى تفضل نعم شكاني زميلي إلى المدرس وأنا شكوته إلى المدير يعني mon camarade s'est plaint auprès du professeur auprès du professeur et moi je me suis plaint de lui auprès du directeur نعم donc le chahid c'est chaka yashku أيوة. تلا الإمام سورة الفيل في ركعة الأولى وسورة الإخلاص في ركعة الثانية. يعني الإمام قرأت سورة الفيل في الأولى ركعة وسورة الإخلاص في الثانية. نعم. شهيد تلا. نعم. كيف يقول يا؟ ثالثا قلت له سورة الرحمن يا علي يعني غسيت لا سورة الرحمن نعم وعلي Donc là, Outlou, c'est le Amr de Tala Yatlou. Rabian. دعوت صديقي إلى قريتي يعني j'ai invité mon ami hein, dans mon village. نعم. Donc là, c'est de Da'a Yad'ou. Tu dis Da'a Outlou. Lorsque Da'a, ça revient, Inch'Allah. Vas-y, Ramisan. لم يشكوني المدير إلى أبي يعني le directeur ne s'est pas plaint auprès de mon père. De moi, de moi de auprès père. De mon père. Non, donc là, le chahid, c'est chaque yashkou, là, il est majoum par même. قال المدرس لطالب للطالب عفوت عنك يعني le professeur a dit à l'élève يعني je te pardonne c'est ça non je te pardonne donc là le shahid عفوت عنك عفا يعفو سابعا لما تمحو هذه الكلمة هي صحيحة امحو التي بعدها يعني امحو التي بعدها نعم pourquoi tu effaces ce mot? Elle est authentique. Il est. Il est authentique plutôt. Non. Correct. Ayo. Et ni efface celle qui vient après. Non. Donc là le shahid tamhu min maha. Ça veut dire effacer. Et umhu c'est le mot, c'est le amr, l'impératif. Efface. Faminan. Ayya suratin tatlina ya umma kuthum. أتلو سورة أنا أتلو أتلو نعم أتلو سورة ياسين يعني كل سورة يعني tu récité au mer de Kuthum j'ai récité plutôt ça c'est mon droit de dire quelle sourate tu récites-tu نعم quelle sourate tu récites-tu نعم au mer de Kuthum au mer de Kuthum j'ai récité sourate ياسين Pareil, c'est mon droit de dire. Je récite. Aujourd'hui. Ça y est. T'as un Ah ouais, le chalit, tatlina, mine de tela yatlou. On va apprendre, Inch'Allah, quand les damaïdes ils sont rentrés. Pourquoi, quand est-ce qu'on enlève le aïn le lem plutôt, du verbe. T'as un Nad'u Allah an yashfiak. Nam. Yani nous implorons Allah qui te guérisse. Nam. Chalit, nad'u, min da'a yad'u. عاشراً أشكوتني إلى المدير يا حمزة لا لم أشكك يعني t'es tu plein auprès du directeur ou Hamza t'es tu plein de moi non de moi non auprès du directeur ou Hamza non je me suis pas plein de toi donc le Shahid chacun Chaka Outani de Chaka Yashkou. Et l'autre, c'est Lam Ashkouk, Majzoum, Bilem. Nam. Hadi Achar. Kala Nuh, Ali Salam, Rabbi, Inni Da'outu Qawmi, Laylan wa Nahara. Kama ja fi surat Nuh. Nuh, Ali Salam, Hadi, Monseigneur. J'ai certainement appelé J'ai certainement appelé mon peuple nuit et jour. Non. Comme il est venu dans Surat al-Nuh. Non. Le shahid da'awtu min da'ayadu. Qala Allah ta'ala fi Surat al-Baqara Ula'ika yad'ouna ila al-nari Wallahi yad'ou ila al-jannah. Allah ta'ala dit dans Surat al-Baqara Cela ils appellent Ils appellent au feu, alors qu'Allah appelle au paradis. Non. Donc, avec le shahid, yad'ouna, qui est un da'a yad'ou, et yad'ou, Allah yad'ou, min da'a yad'ou. On doit lire. Salit Hachar. Donc, il dit dans la Yunus, Wallahu yad'ou ila dar salam. Donc, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Surat Yunus, hein? Et Allah appelle yani, à la maison de la paix, c'est ça? Ouais. On va dire ça, hein? Non. Littéralement parlant, c'est comme ça que ça dure. Maintenant, s'il y a un sens tafsir ou quoi, je ne le connais pas. Non. Rabbi Achar. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Qasas: Wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Yani Allah a dit dans Sourate Al-Qasas: Et n'appelle pas avec Allah une autre divinité. Imam Shahid la tad'u, qui est majum l'anahi. Et donc maintenant il va t'apprendre à quoi? À attacher les domaïrs à ces verbes-là. Comment on fait pour mettre les domaïrs au mardi, au mudadir? Sabi Anidi. أسند الأفعال الآتية إلى الغائبة ثم المتكلم كما هو موضح في المثال. Tu dois attacher, tu dois annexer les domaires du raïb et ceux du متكلم sur les verbes exposés. Premièrement, il dit Hamid Baka. طيب, Hamid Baka. Donc le فعل الأولى c'est دم مستتر تديره هو. Donc là, il n'y a rien. Aminadou Bakat. أي هي. Donc là, comme on a il-tikasakidein entre le alif d'origine et le ta, on en fait tomber le ta. Donc on dit bakat, on ne dit pas bakat. Et quand c'est avec ana, ou tout ce qui est avec le ta qui vient derrière, et ben le alif que tu vois à la fin de baka, il se transforme en ya, car c'est son origine. Donc il dit ana bakaitu. Vous voyez, tu dis ana bakaitu. Non, Tradol, Hamid Rama, Hamid a lancé. Hamid Rama, non, Hamid Rama, Aminatou Ramat, non, Anama Ramaitou, Arsent, Aminadun Ata, Aminatou Atat, non, Ana Ataitou, Hamidun, Hamidun Jara, Aminatou Jarat, Ana Jaraitou, Hamidun Kawa, Aminatou Kawat, Ana Kawaitou. Et là, pareil, il y a point juste un tambif. Donc là, comme tu as vu, quand tu as un livre comme ça, la fin Maksoura, Alif Maksoura, son origine, c'est un ya. C'est pour ça qu'il redevient un ya lorsqu'il est accroché au domir tu, te, ti, tum, ainsi de suite. Et là, da'a, yad'u, là, ce alif, son origine, c'est un waouh, donc c'est la même règle, il va redevenir à son origine, si tu l'attaches au domir tu, te, ti, ainsi de suite, il va se transformer en waouh. Non, vas-y. Ah, Hamidun Da'a, donc Hamid a appelé ou invoqué. Damir Mustatia Tadilu Hua. Aminatu Da'at, donc là on a Ittiqa Sakinein entre le Alif et le Ta, donc on enlevait le Alif, donc on dit Da'at, à la Wazn. Mais maintenant après le Alif là. Fa'at, ayo. Alif là, Matsoua. Non. Comment dans. À l'écoute, hein? Tu vas différencier s'il est levé ou est. Ça, c'est après, c'est du par cœur. Tu les connais, les gars. Si tu les connais. Ouais, ah, après, tu les connais. Ana da'autu. Vous voyez, j'ai appelé ou invoqué ou invité. Donc là, le alif, il s'est retourné en waouh. Tu dis da'autu. Non, toi, te donne. Hamidadun shaka. Aminatu. Aminatu shakat. Ana shakaoutu. Non. Hamidadun raja. Aminatu rajat. Ana rajaitu. Rajaoutu. Rajaoutu. Nam. Raja, c'est espéré. Rajaoutu. Nam. Haminatun tala. Aminatu talat. Ana talaoutu. Nam. Talaitu. Talaoutu, non, non. Non, talaoutu. Tout le temps, dès que tu vois l'effort comme ça en haut, il devient waouh. Haminatun maha. Aminatu hamat. Mahat, plutôt. Ana mahaoutu. Nam. Donc il dit à la fin. Bakat aslouhu, bakat, comme on l'a dit. Khuzifat el alif, visabab el tikwa sakinein. Et pareil, da'at, l'origine c'est da'at. Et elle est enlevée pour le tikwa sakinein. Maintenant, Samuel, il dit Ajib al asilat il atiya, bil nafi mustamilen lam. Donc là, tu as des questions, tu réponds avec lam. Et tu fais attention à la fin du verbe. Donc moi, je fais la question, toi, tu fais la réponse, inshallah. Awalan, baka atif, est-ce que l'enfant a pleuré? Lam yabki. Lam yabki. Non. Et là, il y a qui, il est quoi? Majoum par l'aime. Donc, on ne met pas le lien. Thanien. Akawait al-Kamis. As-tu repassé le Kamis? Là. L'aime akouihou. Akoui. Akoui, non. Non. Akoui, non. Il dit non, je ne l'ai pas repassé. Thalithan. Ashakaka al-Mudarisu il-Mudir. Est-ce que le professeur s'est plaint de toi auprès du directeur? Non. Là, on va à Nashi. Non, non, je te dis. Non, mais je. Ah, non, c'est. Je t'ai pas confirmé. Là. لم يشكني المدرس لم يشكو نعم لم يشكني المدرس إلى المدير نعم رابعا أدعوت زميلك إلى البيت As-tu invité ton camarade à la maison? Non, l'homme a dit, j'ai mis lui, il a baïti. Khamisan, abeneita baïtan jadida, as-tu construit une nouvelle maison? L'homme a bni, là, l'homme a bni, baïtan jadida. Saadisan, amahauta ismi min daftarik, as-tu effacé mon nom de ton cahier? نعم لا لم اسم لم لم امحو اسمك من دفتر من دفتر من دفترتي دفتر. من دفتري نعم نعم سابعا اتى المدير اسكو لو مدير ات اريفي كوا اتى اتى المدير اسكو لو مدير ات اريفي لم ياتي نعم لا لم ياتي نعم ثامنا ارميت Al-Kumama, fi mekaniha, as-tu jeté les poubelles à leur place? Là, l'am amriha. Armi. Armiha. Nam. Fi mekaniha. Tassiran, ra'aita Aliyan fil fosl, as-tu vu Ali dans la classe? Ra'aita Aliyan fil fosli. لم أرى نعم لم أرى لم أرى عليا في الفصل تدي لا لم أرى طيب أحسنت طيب تاسعا يدي أطيل لا الناهية على الفعل الذي بين قوسين أمام كل جملة ثم أكمل به الجملة donc tu rentres la الناهية devant les verbes entre parenthèses et tu complètes la phrase avec تفضل الجملة الأولى تشكوني إلى المدير ويا أستاذ. Faut que tu rentres là. C'est quoi? J'ai pas compris. Toi, tu prends le verbe là et tu mets la. تشكوني إلى المدير ويا أستاذ. نعم. Ne te plains pas de moi auprès du directeur ou professeur. ثانياً. لا تبني المسجد في هذا الشارع. نعم. Ne construis pas la mosquée dans cette rue. ثالثاً. لا تبكي يا ولد. Ne pleure pas, ô enfant. رابعاً. لا تطوي هذه الورقة يا أخي. Ne plie pas ou n'enroule pas cette feuille, ô mon frère. لا تجري في الشارع يا ولد. Ne cours pas dans la rue, ô ولد, ô enfant. سادساً. لا تمحو هذه الكلمة يا أحمد. N'efface pas ce mot, ô Ahmed. لا تدعو مع الله إله آخر. N'invoque pas avec Allah une autre divinité. ثامناً. لا تمشي في الشمس يا محمد. Ne marche pas sous le soleil, on dira comme ça, ô Mohamed. Là, il va t'exposer une autre forme du verbe mortel akhir, celui qui vient à la wazn fa'ila. À la wazn fa'ila. Comme il dit Ashiran Tamel Mayali. Mais dites ce qui suit. Nasiya. Nasiya à la wazn fa'ila. Et le moudalir, Yansa. Ça devient un lif maksoura kada. Yansa. Il oublie. Et donc, il prend les mêmes règles que les autres. Lorsqu'il est majoum, on enlève le lem. Le haf'illa, il tombe. Et lorsqu'on l'accroche à un domir, il se transforme en la lettre à laquelle il ressemble, c'est-à-dire quoi? Un ya. Parce que regarde, l'âme, yansa, c'est un lif maksour, et l'original lif maksour, c'est un ya. Donc il dit, nasiya, il a oublié. Yansa, il oublie. Lam yansa, il n'a pas oublié. Et là, la fatra qui est sur le sin, c'est comme les autres trucs, c'est une preuve que la lettre qui a été enlevée, c'est un lif. Et le amr, insa. Pareil, on enlève un lif. Khoshia, qui veut dire craindre, à la wazn fa'ila, pareil, il prend les mêmes règles. Khoshia, yarsha, et il craint. Et pareillement, Yensa et Khoshia, tous les deux sont dans le four. Seulement, la doma ne peut pas apparaître. C'est comme Moussa, ou le Fata. C'est comme les règles du ism maksour, car le alif, il n'accepte pas de harakat. Donc la doma, elle est quoi? Mokaddara. Tu ne la vois pas. Quand tu dis majoum, tu dis lam, yarsha. Donc là, on a enlevé l'alif, majoum, bilam. Et la fatha que tu vois sur le shin, c'est la preuve que la lettre enlevée, c'est un alif. Et le am, irsha, craint. Barqiya, yabqa, qui veut dire rester. Ala wasfa'ila, pareil. Donc il prend les mêmes règles. Yabqa, la doma, le muqaddara, tu la vois pas, il est marfou. Lam, yabqa, L'alif majzoum par l'aim, on enlevait l'alif. Et le ham, ibka. Donc il dit ikram mayali. Donc là, il te donne encore des exemples avec ces verbes-là. Mm-hmm. Et les phrases exposées là, c'est des verbes, les verbes là, nasiya, khashiya, baqiya, pour apprendre à les percevoir. أبقي من الطعام شيء لا لم يبقى منه شيء يعني رسيت quelque chose de la nourriture non il ne reste plus rien de la nourriture نعم et donc le شيء c'est أبقي نعم ثانيا ذهبت أمي إلى مكة وبقيت هناك شهرين يعني ما mère est partie à Mecca elle est restée là-bas deux mois نعم لا تنسى ما قلت لك قلت لك يعني n'oublie pas ce que je t'ai dit نسيت مع معنى هذه الكلمة يعني j'ai oublié la leçon de ce mot donc oublie enfin attention ici on dit pas نسيت on dit نسيت parce que là-bas c'est une كسرة qui a sur le signe comme dans نسيا c'est une كسرة donc tu dis نسيت نعم خامسا يخشى الله ولا تخشى أحدا غيره يعني اي peur d'Allah on craint Allah non. Et n'ai peur de personne d'autre en dehors de lui. Non. Ça dit ça. Ana ansa kathira, yani moi je vis beaucoup. Ma havara talhatu mundu usbu'ayn akhsha an yakuna marida. Yani Talha ne s'est pas présenté depuis deux semaines. Je crains pour lui qu'il soit malade. Non. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى ما عمله عمله نعم يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a dit c'est un hadith نعم trois choses suivent le mort نعم trois choses suivent le mort sa famille يعني c'est bien non. Et ses actions et deux choses le reviennent à lui non, non les deux choses يعني se repartent et une reste non. يعني sa famille et ses biens dont part hein, dont sont partis et une et ses actions dont il reste avec lui il dit Hamidoun Masha Aminatou Mashat Hamidoun Nasia, Amilatou, Nasiat. Il prend les mêmes langues que les autres. Attendez, maintenant il t'expose comment mettre les domaïres avec ces verbes. Sani Rachal dit Isnadou, Macha et le domaïre. Il t'apprend comment mettre Macha avec le domaïre. Ici, on t'apprend avec le Macha, ils auront à faire avec les autres verbes pareil. C'est les mêmes règles. Donc, Hamidoun, Macha. Là, le domaïre, c'est Moustatir, c'est voix. El Aouladou, الأولادو مشو أصله مشيو إيه مشيو mais on peut pas faire la, on peut pas rencontrer le ya avec le wa donc qu'est-ce qu'on fait on enlève le ya et on dit directement مشو à la wazn c'est comme si en fait à la wazn فعو طيب à la wazn فعو on enlève le lam طيب أميلتو مشات أصله مشات les petits cons sakinés donc on enlève l'alif البنات مشينا طيب مشينا donc là on a quoi on a remis l'histoire انت مشيتا tu as marché donc on a dit quoi le alif maksoul se transforme en ya quand il est attaché à un domir tu dis انت مشيتا tu as marché انتم مشيتم انت مشيتي انتن مشيتن انا مشيت نحن مشينا. Donc le seul endroit où il faut faire attention, c'est quand ça voit au Jamara. Le ya, on l'enlève. On dit hum, mashou. Hum, mashou plutôt. Avec une fatha. Ensuite, il te fait la même chose avec le mudaliya. Isnad, yamshi, il est le damir. Il est le damayir. Là, c'est avec le mudaliya. Comment on fait? Hamidun, yamshi. Donc là, il n'y a rien. Damir, c'est mustatir, tabdiru, huwa. El aouled, yamshoun. Et l'origine, c'est quoi? Yamshiyoun. Vous voyez, yamshiyoun. Seulement, comme on a la rencontre entre le ya et le waou, On doit faire tomber le ya, on laisse le waou. Et le waou, il se waou le jama'a. Donc quand on dit l'aouled yamchoun, c'est comme si c'est à la wazn. Taïeb, à la wazn, yaf'oul. Yaf'oun, d'abord, c'est pas yaf'oul, c'est yaf'oun. À la wazn, yaf'oun. On enlève le lem. Aminatu, tamshi. Là, il n'y a rien. Albenatu, yamshina. Nous, n'y soit. Anta, tamshi. Antum, tamshuna. Aslou, tamshiyoun. Et pareillement, on enlevait. En fait, tamshoun à la waz, tafoun. Anti, tamshina. Aslou, tamshiyina. Il y a deux ya. Et comme on a deux ya qui se rencontrent et tout, on enlevait l'un des deux, donc on dit tamshiyin. Antunna, tamshina. Ana, amshi, nahnu, namshi. Rabi Achar. Isnad fiel l'homme min macha. Il est dans le maïr. Il t'apprend comment mettre le fiel l'homme avec ce verbe à l'impératif. Imshi yahamid. Donc là, on enlevait le haf'illah, on enlevait l'âme qui est le ya. Imshi. Imshu yahaouled. Donc là, on a mis au jama'a. Fakat. Imshi yahamina. Donc là, le ya de amina, c'est le ya mukhataba. C'est un damir. C'est pas le ya du fiel. Imshina yabana et tout. Donc là, on a remis le ya. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unisoi qui vient derrière. Donc on a dû remettre le ya. Donc là, il y a rien. Et il est même ni. Fial, en même ni. Khamis Rachar. Isnad nasiya il est dans maïr. Donc c'est les mêmes règles. Tayyib, c'est les mêmes règles. Hamidun nasiya. Damir, c'est ouwa. El aouled nasu. Osluhu nasiyu. On a enlevé le ya. On a laissé juste ouwa ou jamara. A la wazn yef'oun. Tayyib, à la wazn yef'oun. Ou fa'oun, d'après. الأولاد نسو كما ستوزي الأولاد فعو أمنتو نسيت البنات تنسينا نسينا أنت نسيت أنتم نسيتم أنت نسيتي أنتن نسيتن أنا نسيت نحن نسينا maintenant on dit quoi c'est le 10 إسناد ينسى إلى الضمائر maintenant c'est le مضارع حامدون ينسى. Donc le domir c'est ouah. El aouled yensaoun. Attention là, une fatha avant le waou. Yensaoun. Aslouhou yensayoun. Non, ça se dit pas. Donc on enlevait le ya, on a dit c'est le waou. Aminatou tansa. El benet yensina. Là le alif est devenu un ya à cause du nun niswa. Anta tansa. Antum tansaoun. Aslouhou tansiyoun. Voyez tansiyoun. Mais ça ne se dit pas pareillement, donc on enlève le ya et on a mis le waou jamara directement. Anti, tansina, oslou, tansina. Il y a deux ya, on enlève l'un des deux. Antunna, tansina. Antunna, tansina. Ana, ansa, nahnu, nansa. Sabi Achar. Isnad fiel l'homme, min nasiya il est damayer. Donc là maintenant, c'est comme on fait le verbe à l'impératif. Insa, ya hamidu. Donc là, on enlève le ya. Du moins le alif. Insao ya aouled. Oubliez ou les enfants. Donc là, apparemment, on oubliait, on enlevait le alif. Et la preuve que c'est un alif qui a enlevé, c'est la fatra qui est sur le signe. Insei ya amina. Oubliez ou amina. Donc là, le ya là qui est à la fin du insei, c'est le damir. Ya mukhataba. Inseina ya benet. Donc là, on a mis nous n'y soit et on a remis le ya. Du moins, le alif s'est transformé en ya. Samin Achar. Isnad, da'a, il est domaïr. C'est les mêmes règles. Là, c'est que da'a, yadou. Hamidun, da'a. Damir, huwa. El aouled, da'ou. El os, c'est da'ou, ou. On a deux waou, on enlève l'un des deux. C'est le waou jama'a qui est resté et le lem du fiel, il a été enlevé. Aminatu, da'at. Oslou, da'at. Il tikon sakinen, on enlève l'alif. El benet, da'auna. Donc là, on laisse le waou. Il y a besoin de lui parce qu'il y a l'unisoi qui vient derrière. Anta da'auta. Antum da'autum. Anti da'auti. Antunna da'autunna. Ana da'autu. Nahnu da'auna. Donc le alif, il se transforme en waou. Quand il est attaché au damayer. A part au jama'a. Tasi achar. Isnad yad'u. Il est le damir. Damayer. Là, c'est le mudari'a. Hamidun yad'u. Ayuhua. El aouled yad'oun. Aslou yad'ouun. Il y a deux waou. On enlève l'un des deux. Celui qui est l'aime du verbe. On laisse waou jama'a. Aminatu tad'u. البنات يدعونا انت تدعو انتم تدعونا اصله تدعونا on enlève le waou qui est le lem du verbe on a laissé waou jamaa anti tad'ina اصله تدعوينا Seulement, là, on a la rencontre entre le waou et le ya, c'est lourd, donc on enlève le waou. On essaie le ya directement, qui est le damir. Antunna tad'ouna. Ana ad'ou, nahnu nad'ou. Et tous ces verbes-là, ils sont marfour, mais la doma n'apparaît pas, comme on l'a dit, il n'accepte pas le muqaddara. Ishroun, isnad fi'l al-am min da'a ila damir. Maintenant, c'est l'impératif de da'a yad'ou. Ud'ou, ya hamid, on enlève le waou. Et la doma qui est sur le ayn, c'est la preuve que le waou est enlevé. Oud'ou, ya aouled. L'origine, c'est oud'ou. Et on enlève le waou, qui est le lame du verbe, on le sait waou jama'a. Oud'i, ya amina. L'origine, c'est oud'oui. Seulement, on enlève le waou, parce que ça fait une lourdeur. On laisse juste le ya, qui est le damir. Wa oud'ouna, ya benet. Ouahidou ishroun, alini. Ça vient du verbe ara, qui veut dire me montrer quelque chose. Vous voyez, et celui-là, l'exercice, te dit Yakul Boudarisu, Likul Talibin, Mintulab, Yafulen, Alini Kaza, Kitabaka, Saataka, Kalamaka, Daftaraka. Si je te dis Alini Kaza, c'est montre-moi ça. Vous voyez, le kilomètre déjà dit là. Le nouveau mot El Hacha, c'est le dîner. El Tahkir, c'est, ça peut être une enquête ou une réalisation. El Kumama, c'est la poubelle. El Jam, c'est comme un im. Al-Naha, c'est la journée. Sahibun, jam ashab, ça peut être ami, compagnon, une personne qui t'est liée. Tawa, yatwi, c'est un verbe qui lui veut dire plier ou enrouler une chose. Waqa, yaqa'u, qui veut dire tomber, ça c'est un verbe misal. Waouh, car son fait, c'est un hab'illah. Al-Yamin, c'est la droite. Tanawul, c'est le fait de. Tanawul, acha, c'est le fait de prendre le acha, prendre le dîner. Ça peut aussi prendre des médicaments ou cueillir des fruits aussi. Koumoun, c'est des gens, un peuple. Touraboun, la terre. Hada yahdi, ça c'est un verbe qui veut dire guider. Ata yati, qui veut dire arriver, venir. El yassar, c'est la gauche. Ilahun, jam aliha, c'est une divinité. El leil, c'est la nuit. El, ça peut être la famille, ça peut être les suiveurs, ça peut être les gens attribués à quelque chose. El beled, c'est les gens du pays. Mumazakun, c'est déchiré. Et tabia yadbaou, c'est un verbe qui veut dire suivre. Et bien, hada nakun anantahina min tasrif el fir el mu'tal el akhir. Mafoum? Walhamdulillah.